La science CQFD, Natacha Triou. Aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, on s'interroge. Pourquoi les parades nuptiales chez les animaux? Pourquoi les magnifiques plumages chez les oiseaux mâles? En d'autres termes, qu'est-ce que le principe de sélection sexuelle selon Darwin? En 1860, dans une correspondance, Charles Darwin écrit « La vue d'une plume dans la queue d'un paon, chaque fois que je la regarde, me rend malade. Pourquoi cet oiseau qui vole déjà mal s'encombre-t-il de plus longues plumes qui handicapent le mâle dans ses mouvements et le rend plus visible aux yeux des prédateurs ? » Darwin résout ce problème en ajoutant un versant à sa théorie de l'évolution qu'il baptise la sélection sexuelle. Une théorie aujourd'hui plus nuancée grâce aux progrès en biologie et en éthologie. Sélection sexuelle à la queue-leu-leu. Clémentine Vignal, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de biologie et d'écologie à Sorbonne Université et l'autrice du chapitre « Sexe et comportement animal, des rôles naturels des sexes » dans l'ouvrage « Sexe et genre de la biologie à la sociologie » paru aux éditions Matériologiques en 2019. Nous sommes également en ligne avec Thomas Lenormand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous, à toute heure, en podcast, sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Vous pouvez également nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil @sciencecqfd avec notre live tweet qui commence tout de suite. Comment la théorie de la sélection sexuelle nous permet-elle de comprendre le dimorphisme chez les espèces animales? La définition des rôles sexuels a-t-elle réellement des fondements biologiques? Et comment les récents progrès justement nous permettent de nuancer les rapports mâles-femelles établis par ce cadre théorique? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour et une première présentation de ce principe. Nous sommes en 1952. On parle de caractère sexuel primaire et de caractère sexuel secondaire. Pourtant, il y a un vieil axiome des anciens selon lequel la nature ne fait rien en vain. Pourquoi faut-il qu'il y ait des caractères secondaires? C'est une question qui n'est pas encore résolue aujourd'hui par la biologie, car les hormones sexuelles, l'existence des hormones, n'est-ce pas, nous explique très bien comment ces caractères sexuels secondaires se produisent maintenant, mais ne nous explique pas comment ces caractères sont nés historiquement dans l'espèce. Il y a à ce sujet une théorie fameuse que vous connaissez sans doute, celle de Darwin, théorie de la sélection sexuelle. D'après Darwin, seul aurait survécu, du moins aurait survécu de préférence aux autres, les beaux mâles, les mâles les mieux ornés ou les mieux armés, soit parce que leurs armes leur conféraient un avantage dans la compétition avec leurs rivaux, soit parce que ces ornements les avantageaient aux yeux des femelles qui les choisissaient de préférence aux autres. Il y a, pense-t-on aujourd'hui, du vrai dans cette théorie. Ainsi, on pourrait admettre que dans le passé de l'espèce humaine, les femmes ont préféré les hommes qui portaient de belles barbes. Voilà la voix de Jean Rostand, écrivain moraliste, biologiste, historien des sciences en 1952 sur la radiodiffusion française. Clémentine Vignal, une réaction à cette archive? Ça m'amuse pas mal d'entendre Jean Rostand parce qu'effectivement, c'est, on va dire, une figure particulière de l'histoire de notre de la diffusion des connaissances de notre discipline, en tout cas à une époque. Je pense qu'il résume assez bien les grandes lignes de la théorie de la sélection sexuelle de Darwin. Bien sûr, on va dire, les successeurs et successeuses de cette discipline ont nuancé depuis et ont apporté de la complexité à cette théorie, et je pense qu'on va y venir. Votre réaction également, Thomas Lenormand, à l'écoute de la voix de Jean Rostand? Moi aussi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de voir comment il arrivait à résumer très rapidement effectivement les débats qui avaient eu lieu jusqu'à son époque. C'est très bien, c'est une excellente introduction. Alors c'est une introduction, on va pouvoir en effet creuser dans le détail certaines notions entendues dans cette archive. Mais tout d'abord, quand on parle de reproduction sexuée, on parle de quoi, Thomas Lenormand? Qu'est-ce qu'un sexe et comment on le définit en biologie? La question du sexe, c'est quelque chose qui transcende un peu beaucoup de sujets en biologie, parce que la reproduction sexuée, c'est quelque chose qui a évolué initialement chez les eucaryotes, on va dire la reproduction avec la méiose, celle qu'on en parle le plus souvent. Donc il y a très très très longtemps, on est vraiment à l'aube des temps, à l'origine de la vie, on est à plus d'un milliard d'années largement. Hein. Donc et c'est quelque chose qui est partagé par tous les animaux, les plantes, les champignons, etc. Et donc, c'est l'échange de matériel génétique entre différents individus et c'est leur recombinaison pour chaque génération qui, au sens large, définit ce que c'est la reproduction sexuelle. Mais c'est un peu distinct, du coup, de la définition des sexes, parce qu'on peut avoir, du coup, de la reproduction sexuée sans qu'il y ait des sexes. Mais dans beaucoup de cas, et c'est le cas le plus fréquent que la plupart des gens connaissent, en fait, il y a des sexes mâles et femelles. Et donc, pour les biologistes, la définition de mâle et femelle est liée vraiment à la production de deux types de gamètes, donc des microgamètes, les spermatozoïdes, qui sont produits en grand nombre, qui sont de petite taille, qui ne contiennent pas de ressources. Donc, c'est ce qu'on appelle les gamètes mâles, et donc les mâles les produisent, et les gamètes femelles, donc qui sont peu nombreux, qui contiennent beaucoup de ressources et qui sont produits donc par des femelles. Alors évidemment, il y a beaucoup d'espèces très diversifiées, et il y a également des espèces hermaphrodites, c'est-à-dire où les individus peuvent à la fois produire des gamètes mâles et des gamètes femelles, on appelle donc ces hermaphrodites, mais il n'empêche qu'à chaque fois, c'est quelque chose de binaire. C'est-à-dire soit on a des petits gamètes, soit des gros gamètes. Donc le concept de sexe biologique est très binaire de ce point de vue. Clémentine Vignal. Effectivement, c'est une définition des sexes sur la base des gamètes. Après, c'est vrai que si on veut apporter encore un peu plus de diversité, on peut dire qu'il existe des organismes vivants chez qui on peut définir plus de deux types de sexes, ça existe, avec même la discussion sur les types sexuels de certains organismes, comme le blob, avec, je ne sais plus, Thomas, tu me corrigeras, plus de 700 types sexuels, il me semble, chez le blob, ou quelque chose comme ça. Donc on est sur des fonctionnements biologiques de ces types sexuels, et d'ailleurs j'utilise type sexuel et pas sexe, et je pense que Thomas pourra préciser pourquoi on est un petit peu prudent avec la terminologie. Mais il y a quand même de la diversité, voilà, mais quand on parle de reproduction sexuée et de sexe, on parle généralement effectivement d'organismes qui ont deux sexes, mâles et femelles, qu'on définit par leur type de gamètes. Thomas Lenormand, sur les types sexuels chez le blob. Le concept de type sexuel, effectivement, c'est très intéressant. Donc, c'est quelque chose qui parce qu'il y a donc pas mal d'organismes chez qui il n'y a pas d'anisogamie. Donc, l'anisogamie, ça veut dire on produit des petits gamètes et des gros gamètes. Et il y a pas mal d'espèces où, en fait, ça n'existe pas, l'anisogamie. Donc, il n'y a pas lieu de parler de mâle et de femelle. Et donc, on parle d'autre chose. Ça veut pas dire que tout le monde peut se croiser avec tout le monde. Et il y a des types sexuels, effectivement. Et donc, il y a beaucoup d'espèces. Il y a beaucoup de champignons, par exemple, où c'est le cas. Des protozoaires, où c'est également le cas. Mais le concept de mâle et de femelle, c'est très attaché, en général, à l'anisogamie. Après, ça ne veut pas dire que chez des espèces où il y a des mâles et des femelles, il ne peut pas y avoir, en surcroît, des types sexuels. C'est très fréquent chez les plantes à fleurs, où malgré le fait qu'il y ait des mâles et des femelles, il y a de surcroît des systèmes d'auto-incompatibilité entre, de dire, à la fois des sexes et des types sexuels. Thomas Lenormand, donc le sexe est basé uniquement sur la production de gamètes différenciés, mais avoir des gamètes de même taille, ça n'a pas été conservé par l'évolution. C'est une solution qui n'a pas été très stable, il me semble. Oui, tout à fait. Parce que donc, effectivement, là, on va tout de suite un peu au fond des choses, parce que vous allez voir, on va développer, mais toute la théorie de la sélection sexuelle est très attachée donc à par le constat qu'il y a de l'anisogamie qui a évolué dans les espèces, on va dire, multicellulaires, les plantes, les animaux. Et donc, en fait, en dernière instance, il va falloir expliquer pourquoi cette anisogamie a évolué, parce qu'on est en évolution, vous savez, on est toujours en biologie évolutive, en train de se demander mais pourquoi. Mais donc là, on remonte un peu à la racine du problème, entre guillemets, et on va se demander pourquoi donc l'anisogamie a évolué. Alors, encore une fois, là, c'est quelque chose qu'il faut s'imaginer avoir évolué il y a très longtemps. Au moment où évolue la multicellularité, donc on est vraiment avant l'explosion cambrienne, c'est quelque chose de très ancien. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, avant qu'il y ait de l'anisogamie, donc il y avait des situations isogames, c'est-à-dire que tous les individus produisaient, si vous voulez, des gamètes un peu moyens, pour imaginer ça par exemple dans l'océan. Et donc ces gamètes se rencontrent un peu au hasard. Et donc là, si on suppose que il faut une certaine taille, une assez grosse taille en fait de ces œufs qui vont être produits par la fécondation de deux gamètes pour que ça puisse se développer dans un organisme multicellulaire. Eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une sélection disruptive qui va opérer. C'est-à-dire que il y a de la variation, les individus qui vont commencer à produire un petit peu plus de petits gamètes, donc qui sont plus petits, donc ils vont pouvoir les produire en plus grand nombre, ils vont avoir tendance à monopoliser la fécondation des autres gamètes. Et ces autres gamètes, une fois qu'ils auront été fécondés par ces petits gamètes, il va y avoir une sélection pour que leur taille augmente petit à petit, parce que pour faire ce nouvel individu qui va être multicellulaire, il faut quand même beaucoup de ressources. Et donc c'est comme ça que au moment où évolue la multicellularité, quasiment systématiquement, on a évolution de la misogamie en parallèle. Clémentine Vignal. Oui, alors là je dirais c'est vraiment plus le domaine de Thomas que le mien, hein. Mais effectivement cet état de fait, hein, cette évolution vers une anisogamie, ça va ensuite nous poser des questions sur qu'est-ce que ça implique pour les individus qui portent cette anisogamie. Est-ce que ça crée l'évolution d'autres caractères liés à cette anisogamie, à d'autres niveaux de l'organisme. Et donc c'est là-dessus que la théorie de la sélection sexuelle va nous apporter des réponses. Oui, mais c'est cette apparition de gamètes différentes, hein, qui a ensuite entraîné donc une cascade d'autres évolutions qu'on observe aujourd'hui avec les caractères sexuels secondaires et les comportements liés à la reproduction. On va arriver sur le principe de sélection sexuelle, mais d'abord, Clémentine Vignal, on peut peut-être aussi revenir sur le principe de sélection naturelle tel qu'il est formulé par Darwin. Oui, bien sûr. C'est vraiment une théorie fondatrice pour la recherche en biologie aujourd'hui. Darwin, en fait, propose le mécanisme qui nous permet de comprendre pourquoi certains individus survivent et se reproduisent et pourquoi on retrouve dans les populations la représentation en plus grand nombre, en plus grande fréquence de certains caractères plutôt que d'autres. Darwin propose que certains caractères favorisent la survie des individus. Et donc, ces caractères vont se retrouver transmis à la descendance et vont se retrouver en plus grande fréquence dans la population. Cette théorie de la sélection naturelle, elle permet de comprendre le mécanisme évolutif. Et comment on va pouvoir voir apparaître, disparaître des caractères au cours des générations. Ça nous permet aussi de comprendre des phénomènes de ce qu'on appelle de spéciation, c'est-à-dire comment on voit à partir d'une espèce ancestrale apparaître au cours de l'histoire évolutive différentes espèces. Donc c'est vraiment une théorie très puissante en fait pour expliquer un petit peu l'état des lieux de la biodiversité aujourd'hui, en comprendre son histoire. Ça a vraiment été une théorie très, évidemment très importante et qui a toujours aujourd'hui toute sa valeur. Thomas Laudan, pour compléter les mots de Clémentine Vignal. Juste pour compléter, en fait, parce que là, dans l'archive qu'on a entendu tout à l'heure de Jean Rostand, il mentionnait ce fait, historiquement, que Darwin se posait la question de la queue du paon et de la relation entre sélection naturelle, sélection sexuelle. Alors peut-être que c'est opportun d'essayer de faire un peu la distinction et en fait, de quoi on parle et c'est quoi la différence entre les deux. Et donc le concept de sélection naturelle, là, qui vient d'être rappelé, il est un peu plus large en fait que la sélection sexuelle, d'accord. C'est un processus qui va favoriser tous les traits qui vont augmenter, si vous voulez, la propension à avoir davantage de descendants. Donc c'est quelque chose de très général. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir des descendants, un individu, il faut qu'il se développe, il faut qu'il arrive jusqu'à maturité sexuelle, qu'il acquiert des ressources, qu'il accède à des partenaires à la fin. Et donc en fait, la sélection sexuelle porte sur ce dernier moment. Il se passe quand même plein de choses dans la vie d'un individu. Et donc, voilà, c'est l'accès au partenaire qui est vraiment le sujet de la sélection sexuelle. La sélection sexuelle, ça résulte de la compétition pour l'accès au partenaire sexuel. et ou à leur gamète. Donc c'est ça la nuance. Oui, puisque dans son ouvrage « La filiation de l'homme et de la sélection sexuelle », Darwin écrit « La sélection sexuelle dépend de l'avantage que possèdent certains individus sur d'autres de même sexe et de même espèce, uniquement en ce qui concerne la reproduction, Clémentine Vignel ». Oui, tout à fait. Donc l'interrogation de départ, hein, c'est celle qui est soulevée par Jean Rostand, cette apparente contradiction en fait. Certains caractères semblent être handicapants pour la survie. La queue du paon, les bois du cerf, les chants très démonstratifs des oiseaux au printemps, les parades sexuelles, des lézards colorés qui les rendent très visibles à des prédateurs. Voilà. Donc cette contradiction que Jean Rostand souligne. Elle fait partie hein, des observations, on va dire, initiales qui mènent à la réflexion sur la sélection sexuelle. Et effectivement, donc, ça paraissait contradictoire hein, de voir ces caractères handicapants pour la survie et pourtant qui perdurent chez certaines espèces. Et donc, l'hypothèse hein, de Darwin qui le fait formuler à la sélection sexuelle, c'est de dire que ces caractères sont soit des ornements, hein, ce que le terme qu'utilise Jean Rostand, des ornements qui donc le rendent plus attractif pour les partenaires sexuels potentiels, ou sont soit des armements, donc des caractères qui vont lui permettre d'être très compétitif dans l'accès aux partenaires sexuels. Thomas Lenormand, hein. Petite précision aussi, parce que quand on parle comme ça de sélection sexuelle, on peut avoir tendance à imaginer qu'on parle de sélection, enfin du choix du partenaire. La sélection sexuelle, selon Darwin, c'est bien un processus évolutif qui va modifier le phénotype, l'apparence des animaux. Oui, mais effectivement, elle va pouvoir prendre différentes formes. C'est-à-dire que de manière générale, et ça s'applique aussi bien aux mâles qu'aux femelles, eh bien, tous les individus n'accèdent pas de la même manière aux partenaires. Il y a des donc, d'accord. Il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que dans une population, il y a des mâles et des femelles. En fait, le nombre moyen de descendants des mâles et le nombre moyen de descendants des femelles est forcément le même, parce que chacun, pour faire un nouvel individu, un descendant, il faut à la fois une contribution mâle et femelle. Donc, forcément, en moyenne, ils font le même nombre de descendants. Par contre, à l'intérieur de chacun de ces sexes, il y en a qui vont avoir plus accès à des partenaires que d'autres. Il y a une hétérogénéité, une variance, concept statistique, une variance de l'accès aux partenaires. Et c'est cette variance de l'accès aux partenaires qui mesure à quel point il peut y avoir de la sélection sexuelle. Mais ça, du coup, ça peut arriver à la fois chez les mâles et les femelles. Et ça va prendre différentes formes. Chez les mâles, effectivement, plus la forme d'évolution d'ornement ou d'armement, là, comme Clémentine venait de l'expliquer, et chez les femelles, plus des traits de choix, justement, et de choix des partenaires, choix des mâles, basés sur ces ornements. Et bien justement, comment la sélection sexuelle attribue-t-elle des rôles aux différents sexes ? Restez avec nous, on répond à cette question dans un instant. France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux. Le chant du paon est notre plus beau plumage pour cette émission sur la sélection sexuelle à l'occasion de la Saint-Valentin. Nous sommes en direct avec Clémentine Vignal et Thomas Lenormand. Nous venons de voir que la sélection sexuelle constitue un des mécanismes de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Si la sélection naturelle est liée à la lutte pour la survie, la sélection sexuelle, elle, est liée à la lutte pour la reproduction. Clémentine Vignal, ça, c'est une pression qui s'exerce sur ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, ce qu'on appelle aussi le dimorphisme sexuel. Ça, dans les mammifères, on a beaucoup d'exemples de ces différenciations sexuelles. Oui, tout à fait. Alors, déjà, donc, les caractères sexuels secondaires, c'est effectivement tous ces caractères qui vont être liés au sexe, mais qui ne sont pas directement liés aux organes sexuels. Qu'on va pouvoir associer à un des deux sexes, mais qui ne sont pas directement liés aux organes génitaux, ni aux gamètes. Donc, ces caractères sexuels secondaires, effectivement... Pardon, j'ai mangé un peu votre question, je crois. Je pensais justement à ces caractères sexuels secondaires, donc en effet, qui ne sont pas liés à la reproduction, à proprement parler. On a de nombreux exemples dans la nature. Oui. Je pense à la tribu crinière chez le lion, le bois du cerf. Donc effectivement, il y a une grande diversité. Cette diversité, elle peut être à la fois sur des caractéristiques morphologiques, anatomiques, donc le mâle et la femelle qui vont pas avoir la même apparence, la coloration du plumage chez les oiseaux, des attributs effectivement de pilosité, de taille des dents chez les mammifères, de taille corporelle, hein, le mâle et la femelle qui vont pas avoir la même taille. Donc ça peut être vraiment sur des attributs physiques, morphologiques, anatomiques très visibles ou plus fins. Hein, ça veut dire que parfois il va falloir mesurer très précisément pour voir cette différence, mais en tout cas elle est existante au moins statistiquement en regardant les deux groupes mâles et femelles. Parfois ce dimorphisme il peut aussi s'exprimer sur des comportements. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément voir une différence physique mesurable sur la morphologie, mais on peut voir une différence comportementale entre mâles et femelles. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des cas où il n'y a pas de dimorphisme, c'est-à-dire où mâles et femelles, en fait, ne sont pas différents ni sur leur morphologie ou ni sur leur comportement. Il y a quand même des exemples d'espèces qui rentrent dans cette case. Sur les dimorphismes visibles, on a aussi les canines saillantes du morse ou du phacochère. Il y a aussi des exemples chez les invertébrés avec des céphalophodes mâles. Enfin, Thomas Lenormand, pourquoi, dans la plupart des espèces observées, c'est le mâle qui possède des attributs ornementaux ou des attributs d'attaque ou de défense en plus par rapport à la femelle? Alors, pour un peu revenir au cœur de la question, on a déjà tout à l'heure introduit donc l'idée de l'anisogamie, de pourquoi elle évoluait. Et donc, il y a un phénomène qui est tout à fait lié à l'anisogamie, qui a été un peu découvert par un biologiste anglais du nom de Bateman, et c'est cette idée de gradure de Bateman qui serait différente chez les mâles et les femelles, qui serait un peu à l'origine beaucoup de ces rôles typiques sexuels. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de gradient de Bateman? Ben, si vous voulez, c'est la relation entre le nombre de partenaires et le nombre de descendants. C'est-à-dire que si on a une relation qui est positive et forte entre le nombre de partenaires et le nombre de descendants, en fait, il va y avoir une sélection pour obtenir de plus en... C'est très favorable d'avoir plus de partenaires, puisque ça permet de faire plus de descendants. Mais pour une femelle qui produit peu de gros gamètes qui sont chacun coûteux, ajouter des partenaires et des accouplements, ça peut pas forcément augmenter le nombre de descendants à l'infini. Une fois que tous ces ovules sont fécondés, ajouter davantage de partenaires n'ajoute pas, en fait, n'augmente pas le nombre de descendants. Alors que pour un mâle, la situation est différente. En général, ajouter des partenaires peut continuer à augmenter le nombre de descendants. Et donc, c'est ce qu'on dit, on exprime cela en disant que le gradient de Bateman, donc cette relation entre nombre de descendants et nombre de partenaires, est plus forte chez les mâles que chez les femelles, en général. Donc, en général, ça a été mesuré plein de fois, et donc c'est vrai qu'en général, c'est comme ça, il y a des exceptions, on en parlera tout à l'heure. Et donc ça, c'est une différence fondamentale qui va être à la base donc de sélection de traits de comportement différentes entre une femelle qui veut du coup choisir les bons mâles pour féconder ses gamètes et les mâles qui plutôt vont avoir une forte pression de sélection pour augmenter leur nombre de partenaires. Oui, c'est ça, c'est que sur la courbe justement de Bateman, on voit qu'à l'inverse pour les femelles, à cause des limitations de production de gamètes, le nombre de descendants se plafonne à un certain moment, comme vous dites. Ça, ce sont des travaux qui ont été faits en 1948, en s'appuyant sur une expérience sur des drosophiles. Mais Darwin, déjà à l'époque, qualifiait cette asymétrie qui conduirait les mâles à être en compétition pour l'accès aux femelles disponibles, qui, elles, sont sélectives dans leur choix de partenaire. Darwin qualifie ce phénomène de dichotomie femelle timide, mâle ardent. Oui, alors il faut déjà effectivement il faut replacer Darwin est un scientifique de son époque, hein, donc évidemment il utilise aussi un vocabulaire lié à la façon de faire la science à son époque. C'est un scientifique de l'époque victorienne, hein, et donc il faut à la fois, je dirais, ne pas faire d'incohérence et de replacer ça exactement dans notre contexte, mais quand même, je pense qu'il faut avoir un regard un petit peu critique et se dire que c'est un scientifique situé, et donc évidemment, il avait aussi des influences sur sa façon de penser de son époque, et ça, il faut le garder en tête quand on a un regard critique sur l'histoire de notre discipline. Il faut aussi dire que voilà, ce gradient de Bettman, il a aussi été, je dis pas critiqué, mais en tout cas, un certain nombre de scientifiques ont essayé de nuancer sa portée complète pour expliquer les phénomènes, bien que, bah, comme le dit Thomas, ça a été une théorie puissante pour comprendre les phénomènes évolutifs de certains caractères. Ça a été une théorie puissante pour comprendre un certain nombre de systèmes d'organisation sociale chez les animaux, chez les êtres vivants. Enfin voilà, c'est vraiment été une avancée importante. Néanmoins, on a aujourd'hui quand même quelques indices que bah, elle n'est pas complètement satisfaisante pour expliquer l'ensemble de la diversité et qu'on a peut-être laissé de côté des explications qui pourraient permettre justement de d'éclairer des zones d'ombre, notamment des explications du coup qui seraient pas liées à la connaissance du sexe a priori des individus et qu'on a peut-être un peu occulté face à la puissance de cette théorie darwinienne qui a été très importante pour faire des avancées. Et donc c'est un peu, je dirais, sur ces voilà, ces autres explications qui, à mon sens, on pourrait avancer maintenant et qui sont des explications qui s'appuient pas forcément uniquement sur les identités de sexe. Et peut-être que voilà qu'on a du mal à aller regarder ces explications aujourd'hui dans notre discipline parce que bah parce que les théories de la sélection sexuelle et théories darwiniennes ont été très puissantes et que c'est dur de se détacher des grandes théories. Et on verra justement en deuxième partie comment on nuance tout ça. Pour reprendre Thomas Lenormand, donc cette anisogamie, cette différence de structure des gamètes femelles et mâles, c'est ce qui imposerait donc aux femelles et aux mâles des stratégies différentes. Mais alors qu'est-ce qui explique des différences de comportement chez les mâles et les femelles par rapport à la reproduction sur le soin des petits, par exemple? Alors, juste, je rebondis, en répondant à la question, je rebondis un petit peu sur ce qui vient d'être dit aussi. C'est-à-dire que c'est effectivement, Darwin a dit ça il y a un long moment, plus d'un siècle. Là, on a eu des expériences, donc Bateman, vous avez rappelé ça, c'est au milieu du 20e siècle. Mais c'est pas quelque chose qui n'existe plus. Donc, il y a des recherches actuelles, d'accord, qui sont faites sur ce sujet-là. Et les recherches, donc, actuelles sur le sujet montrent que, en fait, tout ça n'était pas juste des divagations liées à l'idéologie victorienne de Darwin. C'est-à-dire que ce qui a été décrit à ce moment-là est effectivement le cas le plus courant, ce qu'on voit le plus. Et donc, toutes ce qu'on appelle les méta-analyses qui reprennent l'ensemble des études qui sont faites sur le sujet montrent qu'en fait, ce schéma, ce qu'on appelle du coup les rôles sexuels typiques, d'accord, est une réalité. C'est pas quelque chose qui était juste le fruit d'une idéologie victorienne. C'est un peu la réalité biologique telle qu'on peut la regarder aujourd'hui. Ça veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas d'exception. On va en reparler après. Mais c'est-à-dire que c'est les rôles typiques. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde chez les mammifères ou les reptiles, on trouve aucune espèce où, par exemple, il y a des soins paternels exclusifs. Ou chez les oiseaux, c'est extrêmement rare, moins d'1% des espèces sont comme ça. À l'inverse, les soins maternels exclusifs sont plus de 90% des espèces de mammifères sont comme ça, 5 à 10% des espèces d'oiseaux sont comme ça. Et donc, il y a pas mal d'autres espèces où il y a des soins biparentaux, d'accord, où là, on va avoir effectivement un peu une contribution, mais qui est souvent aussi biaisée vers les femelles. Donc, en fait, on a affaire à un patron général qui est très, très répandu. Et en fait, ce qui est très intéressant à regarder, c'est parce que ça évolue quand même, ça change. Selon les circonstances, ça peut se retourner. Voilà. Oui, Clémentine Vignal, vous souhaitez réagir et puis moi j'ai d'autres questions à vous poser également. Je vais réagir parce qu'effectivement, si on s'intéresse aux mammifères et on a cette tendance parce qu'on est centré souvent sur les questions qui nous ressemblent. Je veux dire, les mammifères, c'est une toute petite partie du vivant. Hein. Si on s'intéresse, déjà, les vertébrés sont une petite partie du vivant. Si on compare, l'essentiel du vivant est représenté par les insectes. Hein. Et donc, si on veut juste replacer les soins parentaux, déjà, c'est un cas rare, en fait, dans l'ensemble du vivant. Puisque si on regarde l'immense majorité des espèces, il n'y a pas de soins parentaux. Donc, sur cette question-là, il n'y a pas de différence mâle-femelle, de fait. Et puis, si effectivement, on s'intéresse aux vertébrés, là où on retrouve majoritairement les soins parentaux, la majorité des vertébrés sont des poissons. Hein, si je veux appeler ça par le terme générique du grand public, sont des poissons. Et chez les poissons, si on regarde les soins parentaux, la majorité des espèces qui ont des soins parentaux sont justement des espèces chez qui les soins parentaux sont paternels, sont assurés par les mâles. Donc je vais venir un peu en désaccord de mon collègue ici, c'est que si on regarde, si on veut s'intéresser en nombre d'espèces, et ben on va trouver des soins parentaux chez les poissons, et ça va être le plus grand nombre d'espèces de vertébrés, hein, puisque la majorité des vertébrés sont des poissons. Je n'utilise pas le terme biologique tout à fait exact, puisqu'en phylogénie, on a un terme plus précis, mais je vais garder poissons. Si on s'intéresse aux amphibiens, qui est le deuxième grand taxon des vertébrés, on a pareil, une majorité de soins parentaux mâles ou biparentaux mâles et femelles. Donc en fait... Effectivement, chez les femelles, il y a la contrainte de l'allaitement et la contrainte de porter ses petits qui font que l'investissement des soins parentaux est principalement fait par les femelles, que chez les oiseaux, c'est plus couramment biparentaux. Mais si on s'intéresse à l'ensemble du vivant quand même, je pense qu'il faut voir que les soins parentaux peuvent être assurés par les mâles en grand nombre. Et que ça, c'est une réalité. Alors, est-ce qu'on va prolonger sur cette question, justement? Est-ce que les différences de comportement chez les animaux de sexe opposé ne s'expliquent que par une dichotomie mâle-femelle? Comment la sélection sexuelle attribue-t-elle des rôles aux différents sexes? Et comment nuancer tout ça? On en parle dans quelques instants, après avoir écouté cette parade nuptiale pour être humain. Marvin Gaye, Sexual Healing, en direct sur France Culture, car nous parlons pour la Saint-Valentin du principe de sélection sexuelle tel qu'il a été formulé par Darwin. On en parle avec nos deux invités du jour, Clémentine Vignal, professeure de biologie et d'écologie à Sorbonne Université, et Thomas Lenormand, directeur de recherche au CNRS, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Nous venons de voir comment le cadre de la sélection sexuelle s'est ancré avec une explication biologique, les différences des gamètes expliquent ses comportements, le mâle produit des gamètes en grande quantité, sa meilleure stratégie est ainsi de multiplier les partenaires, tandis que la femelle produit peu de gamètes qui lui coûtent beaucoup d'énergie. Ainsi, elle doit choisir le meilleur partenaire. Voici, c'était pour la théorie. Maintenant, venons-en à nos oiseaux. Hein, chez certaines espèces, les stratégies développées par la « jante masculine » entre guillemets dans leur parade nuptiale se révèlent parfois très sophistiquées pour parvenir à séduire la femelle convoitée. On en parle avec notre oiseau de paradis à nous. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Alors pour découvrir ces stratégies nuptiales, vous êtes allée à l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle. Oui, pour me plonger au sein des collections de spécimens naturalisés, une sorte de bibliothèque où sont conservées une grande diversité d'espèces, un corpus qui aide les chercheurs comme Jérôme Fuchs dans leurs travaux qui lui s'intéressent aux oiseaux d'un point de vue évolutif, phylogénétique et biogéographique. Et en ce qui concerne la sélection sexuelle, il m'a présenté des stratégies de séduction, parades chorégraphiées, chants mélodieux et plumages colorés, des avantages évolutifs réunis dans le cadre notamment de la rousserolle turdoïde ou du loriot d'Europe. Thank you. Voilà, donc on est sur un des bâtiments où sont entreposées les collections au muséum et où la recherche est effectuée. Et donc on peut entrer dans le bâtiment pour que je vous montre une partie des collections. C'est un cadre agréable pour travailler, j'imagine, c'est assez stimulant, on est presque dans la nature. Oui, et on est très chanceux d'avoir le jardin des plantes juste à côté. Ce qu'il y a pour faire un peu de verdure et de champs. Donc là, on va monter au premier où sont situées les collections. Alors, une partie des collections de spécimens naturalisés se trouve ici, dans ces salles. Ce sont les spécimens qui sont préparés dans un mode de préparation un peu particulier. Ça s'appelle des mises en pot, où les oiseaux sont naturalisés dans une forme de un peu de tube, contrairement aux spécimens montés qu'on peut voir dans les expositions. Donc c'est ce qui permet à la plupart des scientifiques taxonomistes ou biologistes de l'évolution d'étudier ces spécimens, de les comparer, de faire les différentes mesures qui permettent de déterminer s'il existe des différences morphologiques ou de couleur du plumage ou de sexe entre individus d'une même espèce ou de plusieurs espèces. On se croirait dans une vraie bibliothèque ici, on est entouré d'armoires vitrées où on peut deviner des étagères empilées, étiquetées, comme si on était dans le cabinet d'un naturaliste. Voilà, et donc c'est exactement ça, c'est une bibliothèque où on a, alors ici les spécimens sont classés par genre, par espèce, par famille. Et ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, c'est à la fois des archives spatiales, donc ça permet vraiment de documenter la biodiversité à la surface de la planète, mais c'est également des archives temporelles, parce que les populations colonisent, disparaissent, changent au cours du temps. Donc ce sont des collections qui sont extrêmement utilisées pour voir des changements morphologiques au sein de certaines populations également. Alors, il y a énormément de cas de sélection sexuelle qui sont connus sur les oiseaux. Une des manifestations la plus évidente, c'est soit le dimorphisme sexuel sur la couleur du plumage, ou le chant, même si on se rend compte de plus en plus qu'en fait, à la fois le mâle et la femelle chantent. Donc là, c'est une espèce qui est assez spectaculaire, c'est les oiseaux de paradis. Pyloris. C'est le genre Pyloris, qu'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc là, on a un dimorphisme sexuel extrêmement marqué, avec donc le mâle qui a ce plumage noir iridescent. Il est vraiment très sombre, mais son cou, son col est irisé bleu. Alors c'est peut-être une illusion d'optique, mais en tout cas, il est irisé bleu et effectivement là. Très esthétique. Ah, c'est superbe. C'est très très beau. Mais la couleur change aussi en fonction de l'orientation de la lumière. Et les femelles, elles sont plus ternes. Beaucoup plus ternes. Alors, et puis marron un peu ambré, plus clair sur le ventre. Voilà, avec des petits chevrons sur le ventre. Et c'est généralement lié au fait que les soins parentaux ne sont pas les mêmes. Donc c'est majoritairement dans ce cas-là la femelle qui couve. Et donc ça crée ce plumage un peu plus cryptique. C'est aussi une protection pour ne pas être détecté par les prédateurs. Le mâle, lui, il fait la parade. Donc c'est une parade assez spectaculaire. Avec un plumage ou une danse et des stridulations. Ah voilà, avec des danses. Alors certaines espèces de cette famille, par exemple, ouvrent les ailes et agitent le cou comme ça, et donc ça crée des variations de ces couleurs irisées. Et donc en fait, ça c'est un comportement qui est sélectionné sexuellement. Les femelles préfèrent les mâles avec des parades plus diversifiées, plus marquées, parce que c'est un signe de bonne santé. Un mâle qui a de l'énergie, par exemple, robuste, voilà, qui a de l'énergie à investir dans la reproduction et dans des parades qui sont extrêmement coûteuses. Donc c'est ce type d'indicateur. C'est-à-dire que le chant n'est pas forcément mélodieux si le plumage est beau. En général, ouais, on ne peut pas investir sur tout. La seule, on ne peut pas tout avoir. Voilà, exactement. Il faut faire un choix. Ou on a une jolie voix, ou on est beau. La seule exception potentielle, c'est le loriot, qui est un oiseau loriot très joli, avec un jaune brillant, avec du noir brillant aussi, et qui a un chant assez flûté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Non. Bon, je vais vous faire écouter un loriot. Allez, donc, il est mélodieux et majestueux. Voilà. Il n'est pas long, le chant, mais il est très flûté. Oui, la beauté, c'est d'autant plus subjectif, d'autant plus que les oiseaux voient un peu plus dans les UV que nous, donc ils ont une perception un peu différente aussi des plumages. Il y a des choses que nous, on ne voit pas, qu'on ne peut pas discriminer. Ce que je voulais dire aussi, c'est que malgré la subjectivité et la perception qui peut varier d'une espèce à l'autre, il y a peut-être des critères invariables, la notion de symétrie ou d'intensité de couleur ou de morphologie, la grandeur, comme on disait. Oui, et la symétrie, alors ça c'est valable pour beaucoup d'espèces, y compris nous. La symétrie, en fait, elle est extrêmement importante pour le choix du partenaire. D'une manière générale, plus les organismes sont symétriques, plus ils sont préférés. Donc ça c'est la rousserolle turdoïde, et donc elle a un champ extrêmement varié qui incorpore de l'imitation. Alors, je vais... Ça c'est une stratégie qui fonctionne, apparemment. Oui, pour certaines espèces. Un peu plus erratique que pour l'autre espèce, mais on reconnaît un motif quand même. Oui, il y a un motif, alors c'est un peu plus, ça peut être un peu plus rauque, ça peut être un peu plus varié aussi, mais c'est très variable en fonction des individus, des populations en fait. Mais c'est, en général, c'est assez caractéristique, c'est fort, varié et très long. Il y a également un chant qui a un oiseau en Europe qui a un chant très très, très, très, très mélodieux, très très fort, c'est le troglodyte. Qui pour le coup est un tout petit oiseau, mais qui chante très fort, très longtemps, et on n'a pas idée qu'en fait le son puisse provenir d'un si petit oiseau. Donc c'est une espèce polygyne, donc c'est un mâle en général qui a plusieurs femelles. Donc il défend assez fortement son territoire et son autre femelle. Ouais. Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Thomas Lenormand, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Bah oui, donc là on était dans le monde des oiseaux, donc effectivement chez les oiseaux on a ces mâles qui sont en général très ornés, et donc c'est pour ça que ça attire beaucoup les ornithologues et puis donc les biologistes qui sont intéressés à la sélection sexuelle, et on est souvent dans ce cas-là, donc il y a... dans ces rôles typiques sexuels dont on parlait tout à l'heure. Alors, cela dit, il y a des oiseaux chez qui, effectivement, on a des rôles atypiques, c'est-à-dire où on a ce renversement des rôles entre mâle et femelle. Peut-être une petite précision par rapport aux choses qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que il faut distinguer la question des ressources, dont ce qu'on a discuté au début sur l'anisogamie, le fait que les femelles mettent beaucoup de ressources dans les gamètes, donc dans les œufs chez les oiseaux. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les soins parentaux. Et en fait, donc, pour ce qui est de la question de l'anisogamie, donc les femelles mettent toujours plus de ressources parce que par définition, si vous voulez, c'est elles qui mettent les gros gamètes. En fait, beaucoup des questions sur la sélection sexuelle portent sur les soins parentaux qui arrivent après la fécondation. En gros, qui est-ce qui va s'occuper des petits quand il y en a besoin. Donc, dans beaucoup d'espèces, il n'y en a pas besoin, ce que rappelait Clémentine tout à l'heure. Mais dans certaines, il y en a besoin. Chez les oiseaux, par exemple, il faut nourrir, il faut couver, etc. Chez les poissons, il faut ventiler les œufs pour qu'ils soient bien oxygénés. Donc, il y a tous ces comportements qui sont postérieurs à la fécondation, où là, la question des rôles est plus labile. D'accord ? Et donc, c'est là où on a des exceptions. Chez les oiseaux, il y a quelques groupes chez lesquels sont les mâles qui font l'essentiel du soin, comme chez les poissons. Clémentine Vignal, je voudrais également entendre votre réaction à l'issue de cette visite dans les collections du Muséum National d'Histoire Naturelle qu'on vient d'écouter. Alors, ben, c'est avec un grand plaisir que j'entends mes voisins du muséum, puisque effectivement, moi, je suis sur le campus juste voisin du Muséum d'Histoire Naturelle sur Jussieu. En plus, et j'en profite pour le rappeler, j'ai eu la chance de participer en 2022 au numéro du manifeste du muséum, puisque tous les ans, le Muséum d'Histoire Naturelle édite un manifeste sur une question de société avec l'éclairage des sciences naturelles. Et puis, donc, en 2022, ce numéro s'intitulait « Aux origines du genre ». Et donc, un travail d'équipe pluridisciplinaire sur la question. J'invite d'ailleurs nos auditeurs. Nous avions consacré une émission au moment de cette parution en 2022, une émission qui était intitulée « Yel était une fois le genre ». On vous publie tout de suite le lien vers ce podcast. je vous laisse continuer, Clémentine Vignal. Oui, tout à fait. Donc, mon deuxième coup de cœur, c'est qu'en plus, les chants d'oiseaux et les communications acoustiques chez les oiseaux sont précisément mon sujet de recherche. personnelle, donc du coup je m'y retrouve tout à fait. Et comme l'a très fort justement rappelé à un moment le collègue dans l'interview, ça a été de dire que les chants des oiseaux ont été des objets d'études pour l'étude de la sélection sexuelle, en mettant longtemps l'accent sur le chant des mâles, et que on sait maintenant que mâles et femelles chantent. Il l'a dit rapidement, il a nuancé du coup à la lumière effectivement des recherches récentes. Et je trouve que cet exemple est pour moi très très marquant de l'évolution récente de la nuance qu'on peut apporter et de comment on peut analyser nos biais potentiels d'études sur les objets de la sélection sexuelle, puisqu'on a longtemps pensé que seuls les mâles chantaient, et on se rend compte aujourd'hui, à la fois en s'intéressant à des espèces qui sont en dehors de nos zones géographiques de prédilection et de démarches historiques, c'est-à-dire en dehors de l'Europe et des zones tempérées, et qu'on s'intéresse à la zone intertropicale, où on voit que là où se trouve le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux dans ces zones intertropicales, les mâles et les femelles chantent, et pas uniquement les mâles, et donc on est obligé un petit peu de renverser notre façon de penser sur ce caractère qui semblait être un attribut des mâles démonstratif pendant la reproduction. C'est ça, après reconsidération, dans nos forêts à nous aussi, les femelles chantent chez certaines espèces. On va revenir dans quelques instants justement sur ces biais de genre et ces stéréotypes qui sont parfois au cœur de la recherche, même en biologie, et des apports de la sociologie dans la discipline. Mais avant ça, Clémentine Vignal, on entendait le plumage flamboyant des paradisiers. Bon, ça, on voit bien que l'hérédité est en jeu, mais pour ce qui est des comportements, parce qu'on voit des comportements complètement dingues, des parades nuptiales très sophistiquées, des oiseaux qui se mettent à construire des structures en bois pour séduire leurs femelles, des chorégraphies extrêmement complexes. Ces comportements sont-ils héréditaires ? Ah, alors ça, c'est toujours aussi une des grandes questions de la biologie, effectivement, de savoir qu'est-ce qui était génétique, au sens héréditaire. Voilà, si on veut souvent on va entendre ce terme et ce qui ne le serait pas, ce qui serait de l'expression liée à l'environnement. Alors, je dirais, ça fait maintenant très longtemps que la biologie voit les questions de manière interactive entre ces deux dimensions et voit la complexité de la mise en place des caractères à l'interaction de ces deux origines, si je veux le dire comme ça, de ces deux mécanismes. Évidemment, donc, que les comportements se mettent en place à la jonction de ces mécanismes, c'est-à-dire d'une origine héréditaire, génétique, mais également des conditions de développement, des conditions environnementales ponctuelles, du moment de l'expression du comportement, des conditions environnementales liées aux interactions sociales, etc. Donc, effectivement, il y a des comportements qui sont héréditaires et sur lesquels il va pouvoir y avoir des contraintes, des pressions évolutives, je dirais, des phénomènes évolutifs et qu'on va pouvoir donc transmettre d'une génération à l'autre. Et il y a des comportements qui vont être plus sujets aux contraintes environnementales et à l'expression individuelle et à sa créativité, on va dire. Ces parades, si je veux revenir à cet exemple précis, sont des objets, effectivement, de la sélection sexuelle. Et ces séquences comportementales, que sont les parades nuptiales, sont de bons exemples des résultats de la sélection sexuelle. On les a beaucoup étudiées, effectivement, parce qu'elles sont très démonstratives chez les mâles. Et comme le disait Thomas, ce sont des démonstrations répétées de la force de cette théorie pour comprendre l'évolution de ces caractères. Néanmoins, là où je veux nuancer, c'est que souvent on connaît moins ou on cite moins en exemple le fait qu'il peut exister des parades mutuelles. Et là encore, je vais revenir sur mes oiseaux de forêt tropicale qui ont été beaucoup moins, ou en tout cas qui sont plus récemment étudiés, par exemple, utilisent des duos vocaux et donc qui chantent en duo de manière très synchronisée, où mâles et femelles utilisent des chants tout aussi complexes. Ces parades mutuelles où mâles et femelles performent, où mâles et femelles se choisissent, nous montrent qu'il reste encore des zones à explorer. On voit bien qu'on se rend compte aujourd'hui que le cadre théorique actuel n'est pas suffisant pour expliquer la grande variabilité et diversité de comportements observés. Restez avec nous, on y vient. Love me tender, love me sweet. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. On a mis le paquet aujourd'hui. On est en direct sur France Culture avec Clémentine Vignal et Thomas Lenormand. Nous parlons du principe de sélection sexuelle. Clémentine Vignal, on a de nombreux exemples aujourd'hui où justement ce cadre de la sélection sexuelle ne marche pas. Hein. La définition des rôles sexuels, c'est justement quelque chose... Enfin, vous travaillez sur ces questions. Quels sont justement les exemples sur lesquels on est obligé, forcé aujourd'hui de nuancer sur ces questions-là? Alors, de nuancer, oui, je dirais pas que le cadre de la sélection sexuelle marche pas, mais en tout cas, voilà, il y a des, en tout cas, des situations où on peut proposer des mécanismes complémentaires qui permettraient d'expliquer des situations. Je vais prendre un exemple. Il y a l'exemple, par exemple, du dimorphisme de taille chez les mammifères. Donc là, je vais pas être sur du comportement, hein, mais simplement, c'est pour illustrer comment on a pu passer à côté d'une partie de l'explication. On a donc beaucoup cherché à expliquer ce dimorphisme de taille chez les mammifères par la sélection sexuelle, hein, que les mâles étaient plus gros pour être plus compétitifs et plus capables de défendre les femelles qu'ils avaient dans leur groupe de reproduction. Donc l'exemple du gorille, hein, très massif, avec son groupe de femelles. Donc voilà, certaines recherches, hein, récentes montrent qu'une partie de ce dimorphisme pourrait s'expliquer peut-être par de la sélection naturelle, en fait, et le fait que mâles et femelles chez certaines espèces pourraient exploiter des niches écologiques et des ressources alimentaires différentes, et qu'on pourrait considérer le mécanisme de la sélection naturelle comme une partie de l'explication. Et donc on se serait peut-être engouffré un peu trop vite dans l'explication de la sélection sexuelle. Et pour revenir à mes comportements, de la même manière, bien que, comme Thomas le citait tout à l'heure, on reconnaît, hein, depuis très longtemps dans la recherche sur la sélection sexuelle qu'il existe des exceptions, des cas de rôle inversé, etc., qu'on arrive quand même à expliquer dans le cadre théorique, il y a quand même une certaine variabilité qui pour moi, n'est pas expliquée de manière tout à fait satisfaisante en gardant uniquement ce cadre-là. Je vais parler de la variabilité, bien sûr, qui peut être entre les espèces, mais celle-là, elle est pas très surprenante. Je veux dire, on arrive facilement à imaginer qu'être mâle ou femelle dans différentes espèces, ça signifie pas exactement la même chose. Et on arrive assez facilement à expliquer cette variabilité entre espèces. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est de regarder qu'il y a différentes façons d'être mâle ou femelle à l'intérieur d'une même espèce. C'est-à-dire que être un mâle et être une femelle dans une même espèce, ça peut signifier différentes choses en fonction effectivement de l'histoire de développement de l'individu. Chez certains papillons, la température de développement va déterminer la façon dont l'adulte se comporte. Le mâle va être plus ou moins compétitif ou plus ou moins regardant sur ses partenaires selon la température à laquelle il s'est développé, de la même manière pour la femelle. Ça peut être l'histoire des rencontres. Hein, chez les drosophiles, les rencontres passées d'une femelle vont déterminer comment elle va se comporter face à des partenaires sexuels potentiels par la suite. Ça peut être le contexte social sur le moment qui détermine comment on se comporte plutôt de manière agressive ou plutôt de manière regardant dans sa recherche de partenaires. Donc voilà, il y a vraiment différentes façons d'être mâle ou femelle, différentes stratégies mâle ou femelle à l'intérieur d'une même espèce, et c'est aussi cette diversité qu'à mon sens on a besoin de plus explorer. Voilà, les rôles mâle-femelle ne sont pas figés, c'est ce qu'on retrouve dans le chapitre Sexe et comportement animal, des rôles naturels des sexes. J'invite nos auditeurs à se procurer cet ouvrage Sexe et genre, de la biologie à la sociologie. On parle donc quelques instants de la chronique avec science, mais pour finir, vous montrez également dans cet article pourquoi la dichotomie mâle compétitif et femelle discrète demeure la vision dominante. Vous expliquez en effet qu'il y a de nombreux biais encore dans la recherche actuelle et qu'on a tendance à étudier plus souvent les mâles que les femelles. Merci à vous deux, il est temps de retrouver Alexandra Delbo, c'est la chronique avec science. Les neiges du Svalbard en Arctique sont-elles contaminées par des polluants venus d'ailleurs? Ce bout du monde longtemps considéré comme vierge est pollué et le constat en réalité ne date pas d'hier. Pour écrire un statut de l'Arctique et protéger au mieux cette région du pôle Nord de nos activités humaines, une initiative s'est lancée dans les années 90, le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. AMAP dans son acronyme anglais, et il y aura plusieurs acronymes dans cette chronique. Cette AMAP publie régulièrement des rapports, d'abord sur le réchauffement de cette zone, plus rapide que partout ailleurs sur le globe, mais aussi des évaluations régulières de la présence de produits chimiques dits préoccupants pour l'Arctique. Il y a aussi un acronyme pour cela, CEAC. Ce sont des polluants dont on connaît déjà l'impact négatif sur les écosystèmes et l'environnement et qui ont toutes les chances de se retrouver au Svalbard parce qu'ils ne se dégradent pas. Jean-Charles Gallet est physicien à l'Institut polaire norvégien à Tromsø et co-auteur de cette nouvelle étude. Le problème, c'est qu'il y a énormément de produits chimiques qui sont produits sur Terre. Et en fait, l'atmosphère est un milieu oxydant. C'est-à-dire que c'est un milieu qui va détruire et dégrader ces produits chimiques. À partir du moment où ces produits chimiques sont résistants à la capacité oxydante naturelle de l'atmosphère, ils vont être transportés. S'ils sont dans l'hémisphère nord, ils finiront au pôle nord. S'ils sont dans l'hémisphère sud, ils finiront au pôle sud. 90% des pays industrialisés sont dans l'hémisphère nord. Donc, une grande partie de la pollution émise par les activités humaines se fait dans l'hémisphère nord. Donc tous les polluants qui sont émis dans l'hémisphère nord et qui ne sont pas dégradés naturellement dans l'atmosphère au bout d'un certain temps, et on parle de l'ordre d'une semaine, puisque c'est le temps de transport, on va dire, de l'atmosphère dans un hémisphère, dans ces eaux-là, et ben, va finir au pôle. Et à partir du moment où il finit au pôle, ben, pour lui, c'est le terminus. Et nous, on étudie beaucoup ce qu'on retrouve dans la neige, et notamment dans les carottes de glace. Et donc, il y a beaucoup de ces polluants qui sont très persistants et très polluants pour l'environnement, mais également très toxiques pour les écosystèmes. Ces polluants aiment souvent se stocker dans les graisses animales. Ils vont donc persister dans chaque maillon de la chaîne alimentaire. Et plus l'animal est gros et vit longtemps, plus il va les accumuler. On pense aux ours polaires, par exemple, mais certains peuples indigènes sont aussi en première ligne. Le lait maternel de mères inuites est parfois considéré comme toxique. Les noms, vous en connaissez déjà. Encore des acronymes. PCB, PFA, PH, POP. La liste est longue et l'objectif de l'AMAP est d'établir des recommandations en vue d'interdire ou de limiter l'usage de tel ou tel produit. Et pour cela, il faut mener des études, soit en s'intéressant à des nouveaux composants très spécifiques, soit en développant de nouvelles méthodes fines et précises pour détecter la présence de ces polluants. Et c'est tout l'enjeu de cette nouvelle étude, tenter de détecter et quantifier la présence de 13 composants toxiques dans 5 glaciers de l'archipel à différentes profondeurs de neige et de glace. Mais pourquoi s'intéresser seulement à 13 polluants chimiques et pas 100, 1000 ou même la totalité d'entre eux? Eh bien, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Impossible de monitorer toutes les espèces chimiques en même temps, alors il faut les chercher par famille. Et ces 13 molécules présentent toute la particularité d'être des ingrédients de nos produits cosmétiques et notamment des crèmes solaires. Résultat, malheureusement, en ce qui concerne la pollution, quand on cherche, on trouve, ces 13 résidus polluent bien les neiges arctiques. On était quasi sûr qu'on allait en trouver certains parce qu'on sait qu'ils sont quand même émis depuis pas mal d'années, mais il y avait quand même quelques constituants. Mais on n'était pas certain méthodologiquement de pouvoir vraiment les mesurer et surtout les mesurer avec une certitude scientifique qui nous permet de dire « bon voilà, on n'a pas trouvé 0,2 plus ou moins 0,5 », ce qui veut scientifiquement pas dire grand-chose. On a trouvé 3 plus ou moins 0,2 ». Donc oui, c'est quelque chose qui est significatif scientifiquement. Donc même si les concentrations sont faibles, voilà, nos résultats sont statistiquement viables. Ça veut dire qu'effectivement, ces composants qui sont connus chimiquement pour être nocifs, comment s'en douter? Ils sont pas forcément extrêmement bien dégradés dans l'atmosphère et on les retrouve stockés, intacts, dans la neige et dans la glace. Et ben, au bout d'un moment, et surtout puisque l'Arctique se réchauffe, et encore plus le Svalbard, qui est la partie du monde qui se réchauffe le plus, cette neige et cette glace va fondre. Donc, ce qui veut dire qu'in fine, bah, ces polluants, même à faible concentration sur une année, bah, d'ici 10, 20 ou 30 ans, bah, tous ces polluants vont se retrouver dans l'écosystème et dans les fjords et donc vont partir dans le maillon de la chaîne alimentaire et donc polluer les poissons et in fine les hommes puisque nous, à la fin, on consomme ces poissons. Ces composants ont été émis soit directement par les procédés industriels, soit par vous et moi. En vous badigeonnant de crème, votre transpiration finit par s'évaporer et faire passer les polluants à l'état gazeux dans l'atmosphère. L'enjeu, ce sera donc à l'avenir de suivre plus spécifiquement les plus dangereux d'entre eux pour voir à quel point ils pénètrent déjà la chaîne alimentaire de l'écosystème arctique. Ce qui servira in fine à en interdire certains, mais cela prend du temps. L'ANSES, par exemple, a déjà demandé le retrait de l'octocrylène des crèmes solaires, une molécule dangereuse qui fait partie de cette liste des 13 contaminants de l'Arctique. Mais la procédure qui devait monter à Bruxelles pour être finalisée est, selon une information de France Info, au point mort depuis juillet. Merci pour votre écoute, merci à toute l'équipe. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.